afin de s'étendre dans la terre. Après que ce feu ait fait fuir et chasser les gens vers le lieu de leur rassemblement, où ils seront amenés effrayés ou joyeux, à pied ou sur des montures, après l'apparition de tous ces signes, ayyuha al-ikhwa, arrivera la fin du monde. Arrivera nihayat al-dunya. Arrivera la fin du monde. Se lèvera l'heure de la résurrection et commencera ce jour du jugement dernier. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, ordonnera à Israfil alayhi salam de souffler dans le clairon Nafrat al-Faza, le souffle de la grande peur. Israfil alayhi salam, un ange d'Allah jalla wa ala, depuis que son Seigneur l'a créé et depuis que son Seigneur lui a donné le clairon, il attend l'ordre divin. Il attend l'ordre d'Allah jalla wa ala. Et le clairon fut questionné à ce sujet le prophète alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Abu Daoud et par l'imam Al-Albani qui l'a authentifié, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam un jour vint le voir un bédouin et lui demanda qu'est-ce que le clairon Assur. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, c'est une corne dans laquelle on souffle. Et nul ne connaît la dimension de ce clairon excepté le créateur Jalla wa Ala. Puis il dit alayhi salatu wassalam, ce clairon est en ce moment dans la main de Israfil alayhi salatu wassalam. Et Israfil attend le moment où Allah Jalla wa Ala lui donnera l'ordre de souffler dans ce clairon afin d'annoncer le jour du jugement dernier. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak et par l'imam al-Dahabi, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, le regard du responsable du clairon, c'est-à-dire Israfil, le regard du responsable du clairon est fixe depuis qu'on le lui a confié. Il est prêt et il regarde vers le trône et l'arche. Et il ne cligne pas des yeux de peur qu'à ce moment-là, Allah lui ordonne de souffler dans le clairon. فَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ أَيُّهَا الْإِخْوَةَ Israfil alayhi salam, depuis qu'on lui a confié ce clairon, et depuis qu'on lui a confié ce clairon afin qu'il y souffle le jour et l'heure de la résurrection, ne cligne pas des yeux de peur qu'à ce moment-là, Allah jalla wa ala lui ordonne de souffler dans le clairon, et lui ordonne d'annoncer l'heure de la résurrection. Ainsi il ne dort pas, et il ne s'assoupit pas. Et ses yeux, comme nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ses yeux sont comparables à deux astres lumineux. Et il attend l'ordre de souffler dans le clairon, l'ordre divin de la part d'Allah jalla wa ala. Et ceci a certes attristé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et l'a empêché de jouir des biens de ce bas monde ad-dunya. Comme en atteste le hadith rapporté par l'imam Ahmed, et par l'imam al-Tirmidhi, et par l'imam Abu Nu'aym, et par l'imam al-Hakim, et par l'imam Ibn Hibban, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam un jour dit à ses compagnons, comment pourrais-je éprouver de la joie? Comment pourrais-je ressentir de la joie alors que le responsable du clairon porte celui-ci? Il baisse le front. Il tend l'oreille et il attend l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. Et alors les compagnons à Sahabatu radiallahu anhum lui demandèrent, ya Rasulallah, et qu'est-ce que l'on devra dire alors? Qu'est-ce que l'on devra faire alors? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, Qulu hasbunallahi wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahi rabbina. Dites, notre Seigneur Allah nous satisfait et c'est le meilleur des recours. Et nous plaçons notre confiance à Allah, notre Seigneur. Ceci a ainsi attristé Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Car les croyants, al-mu'minoun, craignent le jour du jugement dernier. Les croyants et ceux qui ont la certitude, al-mu'qinoun, ont peur de l'arrivée de l'heure de la résurrection. bien que ce souffle, Nafratul Faza, ne sera pas entendu par les croyants, mais il ne sera entendu que par les mauvaises créatures parmi les mécréants. Pourquoi ? Car les âmes des croyants seront déjà prises, comme nous l'avions dit précédemment. Israfil alayhi salam s'apprête ainsi à souffler dans le clairon Nafratul Faza, le souffle de la grande peur, le souffle du sursaut. Et il soufflera ce souffle, ayyuhal ikhwatul kiram, yawm al-jumu'ah, le jour du vendredi. Et ceci a été mentionné dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, et par l'imam Abu Daoud, et par l'imam Nasa'i, et authentifié par Sheikh Al-Albani. Selon Aous ibn Aous radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam nous dit, le meilleur des jours est yawm al-jumu'ah. Le meilleur des jours est yawm al-jumu'ah. C'est le jour où est né Adam alayhi salam, le jour où il est mort, le jour de Nafra, c'est-à-dire du souffle, et le jour de Saqa, c'est-à-dire de la mort. Multipliez ce jour vos prières et vos saluts sur moi, car vos prières et vos saluts seront exposés. Le souffle de la grande peur, Nafratul Faza, sera le jour du vendredi, un vendredi qu'Allah Jalla wa Ala choisira. Et vous serez étonnés si nous vous disons que toutes les créatures présentes à la surface de la terre attendent avec crainte et ont peur et sont effrayées et ont peur de ce souffle. Et la preuve en est, ce que nous rapporte l'imam Malik dans son recueil Al-Muwatta, dans lequel Abi Hurayrah radiallahu anhu nous dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, le meilleur jour sur lequel se lève le soleil est Yawm al-Jumu'ah. C'est le jour où est né Adam alayhi salam, le jour où il est descendu, le jour où Allah lui a pardonné, le jour où aura lieu le jour du jugement dernier. Puis il nous dit alayhi salatu wa salam, toutes les créatures attendent avec crainte le jour du jugement dernier, du lever du soleil jusqu'au son coucher. C'est-à-dire qu'à chaque vendredi, toutes les créatures attendent avec crainte ce jour et ont peur que ce soit ce jour, et ils l'attendent du lever du soleil jusqu'à son coucher, excepté Thaqalayn. Excepté Al-Jin ou Al-Ins, excepté les djinns et les hommes qui ont oublié ce jour terrible et qui sont restés insouciants face à ce jour azim. Al-Imam Muslim rapporte un hadith selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, après que l'on soufflera, puis on soufflera dans le clairon, toute personne qui l'entendra tendra son cou. Ils tendront tous son cou, leur cou. Le premier à tendre son cou sera un homme qui a rangé le bassin de son chameau. On soufflera ainsi dans le clairon As-Sur, Nafratul Faza, le souffle de la grande peur. Et l'ordre sera donné par qui ? Par Allah Al-Wahid Al-Qahar. Et l'ordre sera donné à qui ? À Israfil alayhi salam, l'ange d'Allah Jalla wa Ala. La ya'soun Allah ma amrahum. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils n'obéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne. Et ainsi, il obéira à l'ordre d'Allah. Et il exécutera l'ordre d'Allah, Jalla wa Ala. Et à ce moment-là, toutes les créatures seront terrorisées. Toutes les créatures seront effrayées. Toutes les créatures seront prises dans une surprise et un sursaut de peur. Regardez ce qu'Allah, Jalla wa Ala, nous dit. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Le jour où l'on soufflera dans le clairon, tout ce qui est sur terre et tout ce qui est dans les cieux sera terrorisé, sauf ceux qu'Allah voudra. Wa kullun atawhu dakhirin. Et tous viendront vers lui obéissant. Wa tara al-jibal tahsabuha jamida. Tu verras alors les montagnes et tu croiras qu'elles seront immobiles. Wa hiya tamurru marra as-sahab. Alors qu'elles bougent comme des nuages. Suna Allah alladhi atqana kull shay. Telle est la fabrication d'Allah, celui qui tout ce qu'il a fait est parfait. Lorsque Israfil, alayhi salatu wassalam, obéira à l'ordre d'Allah, Jalla wa Ala, en lançant ce souffle, Nafratul Faza, tout l'univers se transformera. Tout le monde se métamorphosera. Toutes les lois qui gèrent et qui régissent ce monde seront rompues. L'ordre établi sera rompu. Toutes les créatures seront terrorisées et seront plongées dans une inquiétude et un sursaut de peur. Sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala épargnera. Sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala aura soustrait. Sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala protégera. Et les savants ont dit, quelques savants ont dit que ce seront al-Malaïka, les anges. D'autres savants ont dit que ce seront les prophètes al-Anbiya. D'autres savants ont dit que ce seront les martyrs et shuhada. Mais Allah Jalla wa Ala seul connaît cette science, car il n'y a pas de texte authentique et clair et explicite à ce sujet. Dans le hadith de l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et écoutez bien ce hadith ayyuhal ikhwa, celui qui désire voir les événements du jour du jugement dernier comme il le voyait de ses propres yeux, celui qui désire voir et apercevoir les événements du jour du jugement dernier comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise et qu'il médite sur ces trois sourates, « Ida shamsu kuwirat, wa ida sama'un fatarat, wa ida sama'un shaqqat ». Alors, ayyuha al-ikhwatul kiram, ta'alaw bina, accompagnez-nous et venez avec nous afin de lire et afin de méditer sur les versets d'Ar-Rahim Ar-Rahman, sur les versets d'Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit, « Bismillahirrahmanirrahim ». Ida shamsu kuwirat, lorsque l'on arrondira le soleil, lorsque le soleil s'obscurcira, lorsque la lumière du soleil s'éteindra, ida shamsu kuwirat, wa ida nujum kadarat, et lorsque les étoiles s'éparpilleront, lorsque les étoiles exploseront et tomberont et chuteront du ciel, wa ida nujum kadarat, wa ida al-jibal suwirat, et lorsque les montagnes se mettront en mouvement, na'am, Allah Jalla wa Ala déracinera et arrachera les montagnes de leur ancrage sur la terre, et elles se mettront en mouvement. Allah Jalla wa Ala nous dit, wa tasir al-jibal sayra, et les montagnes se mettront en mouvement. Et un jour, Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam fut questionné à propos des montagnes. On lui questionna à propos du sujet des montagnes. Et alors, فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى, Allah Jalla wa Ala révéla le verset suivant, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, et ils te questionnent quant aux montagnes. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ, et ils te questionnent quant aux montagnes. فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا, dis, ton Seigneur les arrachera. Ton Seigneur les arrachera de leur emplacement. Ton Seigneur les mettront en mouvement. فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, et il fera de la terre un sol aplati. Il fera de la terre un sol aplati. فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, tu verras sur cette terre ni creux ni élévation. La terre sera aplatie. Les montagnes se mettront en mouvement. Et regardez ce qu'Allah nous dit. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, et les montagnes seront comme de la laine. Et Allah nous dit également, وَيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, puis lorsque les montagnes seront comme de la laine déchirée en morceaux. Imaginez-vous, ikhwa, ces montagnes, ces hautes créatures, de par leur haute altitude et de par leur puissante création, Allah Jalla wa Ala les transformera par sa puissance et sa volonté et sa permission, après le souffle de la grande peur, nafratul faza, en de la laine déchirée en morceaux. Wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-isharu uttilat, et lorsque les ishars seront délaissés, les ishars, ayyuha al-ikhwa, ce sont les chamelles pleines qui constituent une grande richesse dans la péninsule arabique. Des chamelles qui ont une grande valeur auprès des Arabes. Al-ishar, Allah Jalla wa Ala nous dit, wa idha al-ishar uttilat, lorsque ces chamelles seront délaissées, c'est-à-dire qu'elles seront délaissées et elles seront abandonnées par les Arabes et par les gens, car personne ne s'y intéressera et car personne n'y accordera de l'importance, tellement le malheur il sera grand et tellement la tristesse il sera intense. Wa idha al-ishar uttilat, wa idha al-wuhush hushirat, et lorsque les bêtes seront rassemblées, même les bêtes, ayyuha al-ikhwa, même les fauves, même les bestiaux, même les animaux seront rassemblés afin de se présenter devant leur Seigneur Jalla wa Ala, afin de rendre des comptes à leur Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Regardez ce qu'Allah nous dit. Wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahay illa umamun amthalukum. Il n'y a pas de bêtes sur la terre et ni d'oiseaux qui volent de ses ailes sans qu'ils ne soient comme des nations comme vous, comme des communautés comme vous. Ma farratana fil kitabi min shay. Et nous n'avons rien laissé sans le consigner dans le livre. ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ, puis ils seront tous rassemblés vers leur Seigneur. Allah Jalla wa Ala nous dit, écoutez ce que nous dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, seront rassemblés le jour du jugement dernier même les mouches. Même les mouchettes d'Oubab seront rassemblées le jour du jugement dernier. Tous les bestiaux, tous les animaux seront rassemblés devant leur Seigneur Jalla wa'ala. Et ainsi devront rendre compte à leur Seigneur Jalla wa'ala. Et ainsi même la bête qui aura été dépourvue de cornes dans ce bas monde ad-dunya pourra se plaindre auprès d'Allah Jalla wa'ala de la bête qui avait des cornes. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت lorsque les océans seront enflammés, ayyuha al-ikhwatul kiram, ces océans de par leur grandeur et de par leur étendue deviendront tels une lave ardente et enflammée. Allah Jalla wa Ala a déjà juré par l'océan, a juré par l'océan qui s'enflamme, et cela montre que c'est une chose azim, immense, ayyuha al-ikhwa. Regardez ce qu'Allah nous dit, wat-tur wa kitabin mastur في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Par le mont Tour, par le livre écrit sur le feuillet exposé, par la demeure pleinement construite, par le toit élevé et par l'océan qui s'enflamme. Par l'océan enflammé, naam, lorsqu'on aura ainsi allumé la surface des océans, par de grands feux et de grands incendies, ces grands océans, de par leur étendue et leur surface, deviendront ainsi de la lave ardente et de la lave enflammée et des grands feux et des grands incendies qui déborderont sur les plages. Ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah enverra un vent subtil qui transformera les océans en une lave. Et cette lave débordera dans les plages, ces plages qui ont été remplies et emplies par des gens et par des corps dénudés, ces plages qui ont été remplies par des gens qui ont déclaré la guerre à leur Seigneur Jalla wa'ala par la perversité et le vice et par l'impudeur. Ces plages seront transformées en lave. Ces plages seront transformées en feu et en incendie le jour du jugement dernier. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Lorsque les âmes seront mises en paire, lorsque les âmes seront accouplées, naam, ainsi les pieux seront rassemblés avec les pieux. Et les pervers seront rassemblés avec les pervers. فُرُّ الْإِنْ, les femmes du paradis seront rassemblées avec Al-Muttaqin. Et les injustes avec les injustes, les tyrans avec les tyrans, tous seront rassemblés selon leur catégorie. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque celle qui aura été enterrée vivante sera questionnée pourquoi elle a été enterrée. Ainsi ce sont elles les petites filles, ayyuha al-ikhwa, qui étaient enterrées vivantes lors de l'Jahiliya, lors de l'époque pré-islamique. Elles seront questionnées pourquoi elles ont été enterrées alors qu'elles n'ont commis aucun péché, alors qu'elles n'ont commis aucune transgression. Car lors de l'époque pré-islamique, dans quelques tribus, lorsque la femme était sur le point d'accoucher, elle creusait un trou et elle se mettait au bord du trou. Si elle accouchait un garçon, elle le conservait. Et si elle accouchait une fille, elle la jetait dans le trou et elle enterrait vivante. Pourquoi? Car ils enterraient leur fille de peur de la pauvreté et de peur de la honte. Et ainsi la question sera posée à cette petite fille, car elle n'y est pour rien, et qu'elle n'aura pas commis ni péché ni transgression dans ce bas monde. Et ainsi cette question lui sera posée pour mieux réprimander, et pour mieux reprocher, et pour mieux blâmer ceux qui l'auront tuée et qui l'auront enterrée vivante. Telle était la situation avant l'islam, ayyuha al-ikhwa. Et lorsque l'islam est arrivé, lorsque cette religion azim, lorsque cette grande religion, la religion d'Allah, Rabbul Alamin, est arrivée, elle a effacé tout cela de sa lumière et de sa miséricorde. Et il a rendu à la femme sa dignité, et il a rendu à la femme son honneur, et il lui a rendu ses droits et sa liberté. Ainsi, elle ne pourra avoir une meilleure position que dans l'islam. Puis, lorsque l'avancée technologique est revenue, et lorsque le progrès moderne a refait surface, ils l'ont enterré de nouveau. Ils ont enterré de nouveau la femme vivante, mais d'une façon plus affreuse, mais d'une façon plus dangereuse que ce qu'ils faisaient à l'époque de pré-islamique, à l'époque de l'Jahiliya. Naam, la femme est devenue de nos jours un objet de bas de gamme sur lequel se montrent tous les regards, sur lequel touchent toutes les mains, au nom de la liberté de la femme, et au nom de l'émancipation de la femme, et au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais qui est-ce qui aura mis en place et qui est-ce qui aura instauré l'égalité entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que le créateur des hommes et des femmes? وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Lorsque celle qui aura été enterrée vivante sera questionnée pourquoi elle l'aura été. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Lorsque les livrets seront exposés, ces feuillets ainsi s'envoleront au-dessus du trône de Rahman, Et ainsi ces feuillets dévoileront et ces foyers montreront. Ces feuillets montreront tous les actes et toutes les actions des uns et des autres devant tout le monde. Iqra kitabak kafa bi nafsika alayka al-yawma hasiba. Lis ton livre, il te suffit toi-même pour te demander des comptes. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram. Tous les actes seront dévoilés, toutes les actions petites ou grandes. Wa idha as-suhufu nushirat. Lorsque les livrets seront exposés. Wa idha as-sama'u kushitat. Et lorsque le ciel sera fissuré, lorsque le ciel se fissurera, imaginez-vous, ayol ikhwa, ce toit élevé, cette construction grandiose, ce toit protecteur, ce ciel se fissurera, ce ciel se déchirera, ce ciel se fracturera. Imaginez-vous, ayol ikhwa tul kiram, wa idha as-sama'u kushitat, wa idha al-jahim su'irat. Puis lorsque l'enfer sera rallumé, le feu de l'enfer, wal'ayadu billah, qu'Allah nous en préserve, sera rallumé, sera ravivé, il fulminera, et il bouillera, et il s'enflammera encore plus. Al-Qatada, Qatada, rahimahullah ta'ala, nous dit, raviveront le feu de l'enfer, les péchés des fils de Adam et la colère d'Allah, azza wa jalla. Ce sont ceux-là qui raviveront, et qui rallumeront, et qui feront encore plus bouillir le feu de l'enfer, wal'ayadu billah. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. Lorsque l'enfer sera rallumé. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Et lorsque le paradis sera rapproché. Il sera rapproché de qui? Il sera rapproché d'Al-Muttaqin, les croyants. Il sera rapproché d'Al-Mu'minin. Il sera rapproché d'Al-Muqinin, ceux qui avaient la conviction et la certitude en Allah, Jalla wa Ala. Allah nous dit, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. Et le paradis sera rapproché des pieux. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. Et l'enfer sera rallumé pour les perdants. Naam, le paradis sera rapproché aux croyants. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, « وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. » Et le paradis sera rapproché pas très loin des croyants. « هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. » Voilà ce qui vous a été promis à tous les repentants qui ont respecté les limites d'Allah Jalla wa Ala. « وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. » Et voilà qu'Allah Jalla wa Ala nous ramène la réponse de tout ce qu'il nous a dit. Ida shamsu kuwirat, wa ida shamsu kuwirat, wa ida nujum kadarat, wa ida al-jibal suwirat, wa ida al-ishar utilat. Ida al-jibal suwirat, wa ida al-jibal suwirat, ida shamsu kuwirat, wa ida nujum kadarat, wa ida al-jibal suwirat. وإذا العشار عتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Toute âme saura ce qu'elle aura acquis. Toute âme saura et aura reconnu et connaîtra ce qu'elle aura commis et ce qu'elle sera préparée pour le jour du jugement dernier. Alimat nafsun ma ahdarat. Et regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans le début de Surat Al-Infitar. Allah Jalla wa Ala nous dit, Ida sama'un fatarat. Lorsque le ciel se fissurera, lorsque le ciel se fêlera et se fendra et se fracturera, Ida sama'un fatarat. Wa ida al-kawakib intatharat. Et lorsque les astres se disperseront et tomberont et chuteront. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Et lorsque les océans déborderont, après avoir été enflammés, ils déborderont sur les plages. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Et lorsque les tombes seront ouvertes, elles seront ouvertes afin de sortir tout ce qu'elles contiennent comme mort. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Chaque âme saura ce qu'elle aura acquis. Chaque âme saura ce qu'elle aura acquis devant elle et ce qu'elle aura fait en dernier. Ce qu'elle aura préparé pour le jour du jugement dernier. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. Lorsque le ciel se fissurera. وَأَدِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Et qu'elle obéira à son Seigneur, et elle aura certes demandé la permission à lui. Ainsi ce sera une vérité pour elle, et ce sera son droit d'obéir à son Seigneur et de se fissurer. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إلى سكلا تيغ سالونجرا وألقت ما فيها وتخلت Et elle jettera tout ce qu'elle contiendra. Elle jettera tout ce qu'elle contiendra comme morts qui se trouveront dans les tombes. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت نعم أيها الإخوة الكرام ainsi أيها العبد يا عبد الله أيها الأخ Si tu désires imaginer le jour de la résurrection, si tu désires voir les événements du jour de la résurrection, comme tu les vois et comme tu les aperçois, lis et médite sur les trois sourates. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ Ainsi, ayyuhal ikhwa, avec نَفْرَةِ الْفَزَعِ, avec le souffle de la grande peur, avec ce souffle du désarroi, toutes les créatures seront effrayées, toutes les créatures seront apeurées, toutes les créatures seront terrorisées. Et les femmes qui allaitent leur nouveau-né rejetteront leur nourrisson. Et les femmes qui seront enceintes avorteront de leur nouveau-né. Écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Certes le tremblement du jour du jugement dernier est quelque chose de terrible. Yawma tarawnaha. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Ce jour-là, vous verrez les femmes qui allaient rejeter leurs nourrissons et vous verrez les femmes qui seront enceintes avortées de leur nouveau-né et tu verras les gens qui ressembleront à des ivrognes alors qu'ils ne le seront point mais certes le châtiment d'Allah est terrible فأسأل الله السلامة والعافية imagine-toi أيها العبد imagine-toi ô toi le pauvre orgueilleux le jour du jugement dernier lorsque le ciel sera tourmenté lorsque le ciel sera fissuré lorsque le ciel sera fracturé tel sera le jour de l'apocalypse tel sera le jour de la fin du monde tel sera le jour يوم يقوم الأشهاد Le jour où se lèveront les témoins. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Le jour où se lèveront les gens devant le Seigneur de l'univers. Le jour où l'on devra rendre des comptes. Le jour où les balances justes seront dressées. إِنَّهُ يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Tel est le jour de la résurrection, mais certes vous ne saviez pas. وَإِنَّهُ يَوْمُ الْخُرُوجِ Et c'est le jour de la sortie. يَوْمَ يَسْمَعُونَ صَيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ Le jour où ils entendront le cri de la vérité, tel est le jour de la sortie, qui a été nommé ainsi, car les morts sortiront de leur tombe. إِنَّهُ يَوْمُ السَّاعَةِ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ Et certes l'heure viendra, et certes l'heure arrivera avec certitude, alors pardonne du meilleur des pardons. Et le jour a été appelé ainsi par l'heure, car il arrivera brusquement et soudainement, et car il englobera toutes les créatures, même les créatures énormes qu'Allah Jalla wa Ala connaît. وَإِنَّهُ يَوْمُ الْقَارِعَةِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Cela signifie celle qui sonne. Qu'est-ce que celle qui sonne? Comment peux-tu savoir que ce qu'est celle qui sonne? Elle a été appelée ainsi, ayyuhal ikhwa. Al-imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit qu'elle a été appelée par celle qui sonne car elle sonnera dans le plus profond des cœurs de toutes les créatures, de toutes les choses terrifiantes et de toutes les choses effrayantes qu'elle possédera. وَإِنَّهُ يَوْمُ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى Lorsque viendra la grande triomphante, ce jour-là chacun se rappellera de ce qu'il aura commis, et l'enfer sera rapproché de ceux qui la verront. الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Celle qui triomphe sur toute chose. وَإِنَّهُ يَوْمُ الصَّاخَّةِ Et c'est le jour du grand cri. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ Lorsque le grand cri arrivera, ce jour-là chacun fuira. De son frère, de son père, de sa mère, de sa compagne, de ses enfants. À chacun, une préoccupation l'occupera. نعم أيها الإخوة الكرام As-Sakha, le grand cri, ce jour a été nommé ainsi. Al-Imam ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah nous dit qu'il a été nommé ainsi car tout le monde l'entendra. Et car ce sera un bruit qui assourdira les oreilles des créatures. As-Sakha, le grand cri, ayol ikhwa. Wa ikrama, rahimahullah ta'ala nous dit, As-Sakha correspond au premier souffle du clairon, wa tama au deuxième souffle. إنه يوم الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Lorsque se produira l'événement, personne ne pourra le démentir, personne ne pourra traiter de mensonge. Il abaisse et il élève. Lorsque la terre tremblera d'un grand tremblement et lorsque les montagnes seront aplaties, elles deviendront-elles des poussières éparpillées. Il a été appelé ayyuha al-ikhwa al-waqi'a. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit, pour affirmer qu'il n'y aura aucun doute et aucune ambiguïté sur son arrivée. Innahu al-waqi'a, l'événement qui aura lieu certainement. Wa innahu al-haqqa, wa ma al-haqqa, wa ma adraka ma al-haqqa. C'est la véridique. Qu'est-ce que la véridique? Et qui est-ce qui pourra te dire ce qu'est la véridique? Al-Imam al-Bukhari rahimahullah nous dit, ce jour-là a été appelé al-haqqa, la véridique. Car c'est là qu'on connaîtra et qu'on reconnaîtra et qu'on saura la vérité de toutes choses. Et c'est là que se réaliseront toutes les promesses des récompenses et des châtiments. Innahu yawm al-hasra, le jour du désespoir. Wa andirhum yawm al-hasra, idh qudiya al-amr wa hum fi ghafla wa hum la yu'minun. Et avertis-les le jour du désespoir, le jour où tout sera fait alors qu'ils seront plongés dans une distraction et qu'ils ne croient pas. Inna narithu al-ard wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Et c'est nous certes qui héritons de la terre et de ce qu'elle contient, et c'est vers nous que sera fait le retour. Le jour où se multiplieront les soupirs, le jour où se multiplieront les regrets, le jour où se multiplieront les regrets et les soupirs, naam et le désespoir ayol ikhwa, et les gens ne croiront pas lorsque leur heure arrivera, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, إِذَا جَاءَتْهُمْ سَاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Allah Jalla wa Ala nous dit, et lorsque leur arrivera soudainement leur heure, ils diront, ô grand désespoir, combien nous avons raté dans la vie sur cette terre. Et ils porteront alors leurs péchés sur leur dos. Certes, quel piètre fardeau que celui-là. Leur désespoir augmentera, leur soupir s'accroîtra, leurs regrets augmenteront lorsqu'ils entreront en enfer, ayyuha al-ikhwa. Et lorsqu'ils souffriront des brûlures du châtiment et du feu de l'enfer, comme Allah Jalla wa Ala nous les décrit, Antakoulu nafsun, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, wa in kuntu la minas sakhirin. Lorsqu'une âme dira, malheur à moi, pour tout ce que j'ai failli vis-à-vis d'Allah, et certes j'étais parmi le nombre des moqueurs, na'am, ceux qui n'ont pas cru, ce jour-là, ayo al-ikhwa, se désolidariseront des gens, et ceux s'innocenteront de leur maître et de leur dirigeant, ceux qu'ils suivaient dans la vie terrestre et ceux qui les ont égarés. Regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Ceux qui suivaient, c'est-à-dire ceux qui suivaient leur maître, ceux qui suivaient leurs dirigeants, ceux qui suivaient ceux qui les égaraient, ont dit alors et diront alors, si nous avions une occasion, nous déclarerons que nous sommes innocents d'eux, comme ils l'ont fait pour nous. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Et c'est comme cela qu'Allah leur montre le malheur qu'ils récoltent de leurs actes et ils ne sortiront pas de l'enfer. إنه يوم الجمع. C'est le jour du rassemblement. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. C'est le jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour mémorable. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran en arabe pour que tu avertisses la mère des tribus et ses alentours du jour du rassemblement, celui qui ne fait aucun doute, un groupe sera au paradis et un groupe sera en enfer. إنه يوم التلاق. C'est le jour des rencontres, أيها الإخوة. Le jour où se rencontreront les gens du ciel et les gens de la terre. Le jour où se rencontreront celui qui aura commis l'injustice et celui qui l'aura subi. Le jour où se rencontreront le gouverné et le gouverneur, l'oppressé et l'oppresseur. Le jour où se rencontreront les créatures et leurs créateurs, Jalla wa Ala. Rafi'ud darajat, dhul arsh, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi, liyundhira yawm at-talaq. Il détient les degrés les plus hauts. Et c'est à lui qu'appartient le trône et l'arche. Et il donne la révélation à qui il veut parmi ses serviteurs pour avertir du jour de la rencontre. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, as'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, أن يجعلنا من الذين يستعدون للقاء الله عز وجل ولهذا اليوم العظيم qu'il fasse que l'on se prépare à ce jour terrible et à ce jour du jugement dernier. إنه ولي ذلك والقادر عليه. C'est lui qui en a le seul, le capable et le pouvoir absolu. Et en tenant ces propos, j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, فبنفخة الفزع, par le souffle de la grande peur, arrivera l'apocalypse, arrivera la fin du monde, أيها الإخوة, et commencera ainsi et aura lieu le jour du jugement, يوم الحساب. فإنه يوم الحساب, c'est également le jour du jugement, comme Allah جل وعلا nous dit, الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ceux qui s'égarent du chemin d'Allah, ils auront un châtiment terrible pour avoir oublié le jour du jugement. Le jour du jugement qui a été nommé ainsi, car Allah jugera toutes les créatures, car Allah jugera tous les gens de toutes leurs actions, petites ou grandes, insignifiantes ou importantes. إِنَّهُ يَوْمُ التَّغَابُنُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ. Le jour où il vous rassemblera pour le grand rassemblement, tel est le jour des plaintes. يَوْمُ التَّغَابُنَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ, le jour des plaintes qui a été nommé ainsi, car les gens de l'enfer se plaindront énormément. وَإِنَّهُ يَوْمُ الْخُلُودِ, c'est le jour de l'éternité, أَيُّهَا الْإِخْوَةُ, اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ, entrez-y en paix, tel est le jour de l'éternité. Ce jour a été appelé ainsi, car lorsque les pieux, al-muttaqoun, rentreront au paradis, ils y demeureront éternellement. Et lorsque les mécréants rentreront en enfer, ils y demeureront éternellement. وَإِنَّهُ يَوْمُ التَّنَاتِ, le jour de l'appel, le jour des interpellations, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاتِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Ô mon peuple, j'ai peur pour vous du jour des appels, du jour des interpellations, le jour où vous partirez en tournant le dos. Il n'y aura rien pour vous protéger en dehors d'Allah. Et certes, celui qu'Allah aura égaré ne pourra pas être guidé. Yawmut Tanad, ayyuha al-ikhwa, le jour des appels, le jour des interpellations, na'am. Il a été appelé ainsi car il y aura beaucoup d'appels ce jour-là. On appellera chacun par son nom. Ton Seigneur, ayyuha al-abd, ton Seigneur est Abdallah, t'appellera par ton nom, Fulan ibn Fulan, il t'appellera. Alors est-ce que tu t'es préparé, ayyuha al-akh? Est-ce que tu t'es préparé, ya Abdallah? Est-ce que tu t'es préparé à tes questions, à ces questions de ton Seigneur, à tes réponses aux questions de ton Seigneur, Jalla wa Ala? Les interpellations se multiplieront, ayyuha al-ikhwa. Les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. Les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis. Les gens de l'A'raf, ceux qui se trouvent entre l'enfer et le paradis, s'adresseront aux gens du paradis, s'adresseront aux gens de l'enfer. Les gens de l'enfer appelleront l'ange de l'enfer, Malik, appelleront les anges de l'enfer, Na'am, multiplieront et augmenteront ainsi les appels. Fawayaumut Tanad, le jour des appels et des interpellations, tel Ayyuhal Ikhwatul Kiram, sont les noms les plus célèbres de Yawmul Qiyam, du jour de la résurrection, de Yawmul Hisab, du jour du jugement dernier, de Yawmul Akhir, et il y en a d'autres. Mais certes, le temps est trop court pour tous les citer. Ayyuha al-ikhwatul kiram, binafrat al-faza, par le souffle de la grande peur, les créatures resteront dans une terreur complète et seront plongées dans une frayeur terrible. L'ordre établi sera défait, tout sera défait, toutes les lois qui régissent l'univers seront rompues. Et tout ce monde restera dans cet état pendant 40, arba'in, et nous ne savons pas si c'est 40 jours, ou 40 mois, ou 40 années. Et la preuve en est, le hadith rapporté par les deux recueils authentiques selon, de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le message d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, entre les deux souffles du clairon, 40. Entre les deux souffles du clairon, il y aura 40. Et alors les compagnons s'adressèrent à Abu Hurayra, ya Abu Hurayra, 40 jours, il dit, je me suis abstenu. Puis ils lui demandèrent, ya Aba Hurayra, 40 mois, il leur dit, je me suis abstenu. Puis ils dirent, ya Aba Hurayra, 40 années, il leur dit, je me suis abstenu. Les commentaires de ce hadith nous disent et nous affirment que Abu Hurayra, radiallahu anhu, s'est abstenu car il avait honte de demander des précisions au prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi, il y aura 40 entre les deux souffles du clairon. Et quels sont ces deux souffles? Nafratul faza wa nafratul sa'a. le souffle de la grande peur et le souffle de la mort. Il y a certes eu une divergence entre les savants. Certains savants ont affirmé qu'il y avait deux souffles du clairon. Et ils ont dit que c'était Nafratul Faza, le souffle de la grande peur, ou un Nafratul Ba, et le souffle de la résurrection. Et certains savants ont dit qu'il y avait trois souffles. Nafratul Faza, ou Nafratul Sa'at, ou Nafratul Ba. Le souffle de la grande peur, et le souffle de la mort, et le souffle de la résurrection. Le premier avis, celui des deux souffles, est l'avis d'Al-Imam Al-Qurtubi ou l'Imam Ibn Hajar. Et le deuxième avis, celui des trois souffles, qui est l'avis le plus favorable, bi-idhnillah azza wa jal, est celui de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et celui d'Ibn al-Arabi al-Maliki. Et ces trois souffles ont été mentionnés dans les versets d'Allah Jalla wa Ala dans son livre sacré. Allah Jalla wa Ala a parlé de deux souffles dans Sourate al-Zumar, et il nous a parlé d'un souffle dans Sourate al-Naml. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate al-Naml, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et le jour où on soufflera dans le clairon, le souffle de la grande peur, Nafratul Faza, le jour où on soufflera dans le clairon, tout le monde sera terrorisé de ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, sauf ce qu'Allah a exclu, et tout le monde viendra à lui obéissant. Et Allah a évoqué les deux autres souffles dans Sourate Az-Zumar. Allah nous dit, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, et on soufflera dans le clairon. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre mourra. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Et on soufflera une deuxième fois. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et ils seront alors debout en train de regarder. Et tel est le souffle de la résurrection. Ainsi, il y a trois souffles, selon l'avis le plus favorable des savants. Nafratul Faza, le souffle de la grande peur. Nafratul Sa'at, le souffle de la mort. Nafratul Ba'at, et le souffle de la résurrection. Ainsi, Allah Jalla wa Ala ordonnera une nouvelle fois à Israfil alayhi salam de souffler dans le clairon Nafratul Sa'at, le souffle de la mort. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Et alors tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre mourra sauf ceux qu'Allah a épargnés. Qui sont ceux qu'Allah a épargnés? Il y a eu encore une divergence sur la réponse à cette question. Certains savants ont dit que c'est Al-Malaïka, les anges. D'autres ont dit que c'est Jibril, wa Mikaïl, wa Israfil, wa Malakul Maut, l'ange de la mort, wa Hamalatul Arsh, et les anges qui portent le trône. D'autres ont dit que c'est les prophètes al-Anbiya. D'autres ont dit que c'est les martyrs al-Shuhada. D'autres ont dit que c'est Hurul Ayn, les femmes du paradis. Mais tous ces avis ne sont que des suppositions basées sur des efforts d'interprétation. Mais il n'y a aucun texte formel, authentique et explicite à ce sujet. Et même le prophète alayhi salat wa salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne sait pas de quel groupe il s'agit. Regardez ce qu'il a été dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, il nous dit que le prophète alayhi salat wa salam a dit: ne me préférez pas à Moussa alayhi salam, car lorsque tous les gens mourront après Nafratul Sa'at, je serai alors le premier à me réveiller. Et lorsque je me réveillerai, Moussa sera alors assis aux côtés de l'Arche. Et alors je ne saurai pas s'il s'est réveillé avant moi ou s'il faisait partie de ceux qu'Allah a épargnés. Ainsi, si le prophète alayhi salatu wa salam ne sait même pas de quelle catégorie il s'agit, il en est premier lieu des savants et des gens de science. Et il y a eu également une autre interprétation. Des savants ont dit que les prophètes ne mourront pas, mais ils perdront connaissance. Et ils s'évanouiront. Et ils ne mourront pas en entendant le deuxième souffle, Nafratul Sa'at. Et ils ont pris pour preuve le verset qui décrit le moment où Allah est apparu et s'est montré à Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa a demandé à Allah jalla wa ala de se montrer à lui et de le voir. Et alors Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah lui dit que certes il ne le verra pas mais regarde au sommet de la montagne, et lorsque Moussa a essayé de le voir, fakharra Moussa sa'iqa, il tomba évanoui. Et c'est pour ça qu'ils s'appuyèrent sur ce verset en disant que les messagers s'évanouiront et perdront connaissance à la suite de Nafratul Sa'at. Mais certes cela est possible, wallahu a'lam. Et Allah, on a la science. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ et on soufflera dans le clairon. La deuxième fois, neuf fera tout ça, le souffle de la mort. فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Mourra tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre, sauf ce qu'Allah a épargné. Toutes les créatures mourront, toutes les créatures disparaîtront, toutes les créatures s'anéantiront. Il n'y aura aucune créature qui restera sur terre. Qui est-ce qui restera alors? Répondez, ayo l'ikhwa. Qui est-ce qui restera? Allah Jalla wa Ala, Al-Wahid Al-Qahar, Al-Aziz Al-Jabbar, Allah Jalla wa Ala, Al-Hayy La Yamut, le vivant qui ne meurt jamais. Seul Allah restera, ayo l'ikhwa tul-kiram, huwa al-ahad al-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwan ahad. C'est lui l'unique et infaillible. Awalum bil abtida, le premier sans début, wa akhirum bil intiha, et le dernier sans fin, huwa awalum. أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. C'est le premier que rien n'a précédé et c'est le dernier que rien ne succédera. أيها الإخوة الكرام, كما الله جل وعلا nous dit, كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ربكم ترجعون. Toute âme goûtera à la mort, puis vers votre Seigneur vous retournerez. كل من عليها فان, tout sera voué à disparaître. Tout ce qui est sur cette terre sera voué à disparaître. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et restera alors la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Kullu shay'in halikun illa wajhu. Tout est voué à la destruction excepté sa face. Ayyuha al-ikhwatul kiram, ainsi mourront les tyrans al-jabbaroun, et mourront les oppresseurs, et mourront les idoles, et mourront les rois et les gouverneurs. Mourront tous, ayyuha al-ikhwa, mourront les anges, ayyuha al-ikhwatul kiram, tous mourront, et ne restera qu'Allah jalla wa ala, al-aziz al-jabbar. Où sont les tyrans alors? Où sont les ennemis des rapprochés d'Allah? Où sont ceux qui ont rempli leur cœur de haine et de jalousie envers l'islam? Où sont ceux qui ont rempli leur cœur de haine envers les savants et les prêcheurs? Où sont-ils? Ils sont tous retournés à Allah jalla wa ala. Ils sont tous revenus à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah les a fait tous périr. Et Allah les a fait tous mourir. Aïna al-zalimoun, wa aïna al-tabi'oun lahum bil-ghayb, ba'abal aïna fir'aoun wa haman, aïna man dawwakhu al-dunya bisahwatihim, wa dhikruhum fil-wara zulmun wa tughyan, hal abqa al-mawtu da'izzin li'izzatihi, aw hal naja minhu bisultanin insan, la walladhi khalaqa al-akwana min adamin, al-kullu yafna, fala insa wala jan. Où sont les injustes? Où sont ceux qui dans les erreurs les suivront? Où sont les injustes? Et où sont ceux qui dans l'erreur les suivirent? Et où sont Pharaon et Haman? Où sont ceux qui ont été stupéfaits et qui ont stupéfait cette vue au moyen de leur empire? Où sont ceux dont le récit plus tard sera jugé d'injustes et de transgresseurs? La mort a-t-elle laissé un grand grâce à sa grandeur? Ou bien quelqu'un a-t-il pu en échapper grâce à son honneur? Non, par celui qui a formé les créatures du néant. Tous seront voués à disparaître et il n'y aura ainsi ni homme ni djinn. إنها الحقيقة الكبرى إنها الحقيقة العظمى. Telle est la grande vérité, ayo l'ikhwa. Telle est l'énorme vérité, celle qui parle au dépit du lieu et du temps, et celle qui parle et qui rentre dans l'oreille de tout entendeur et dans l'esprit et la raison de tout penseur. Que ne restera que Allah al-wahid al-ahad, qu'Allah le seul et l'unique, Allah l'unique et le parfait, al-hayy la yamut, le vivant qui ne meurt jamais. Telle est la vérité qui rappelle à l'humanité tout entière, quelle que soit son avancée technologique, quel que soit son progrès moderne, elle lui rappelle l'abaissement et la servitude qu'elle devra avoir auprès de son Seigneur suprême des cieux et de la terre. Et elle rattrapera ainsi toutes les créatures, et elle rattrapera ainsi toutes les créatures le jour du jugement dernier, afin qu'ils viendront à Allah Jalla wa Ala obéissant, humiliés, rabaissés devant leur Créateur Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala nous dit, كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Tout homme goûtera à la mort, puis c'est à nous que vous serez ramenés. أَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى أَنْ يَرْزُقَنَا الْإِخْلَاصَ وَالسَّوَابَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Je demande à Allah Jalla wa Ala, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions. Je lui demande qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qu'il retienne ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence.